Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Paul Buissonneau, pour l'amour du théâtre. Si je ne crée pas, je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Là, en ce moment, j'écris un conte que j'avais commencé qui s'appelle l'histoire d'un petit parapluie. Ce petit parapluie qui rencontre un paquet d'autres parapluies parce que lui, la pluie, il n'aime pas ça. Le petit parapluie va autour du monde pour savoir ce que font les parapluies qui n'aiment pas l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Toute sa vie, Paul Buissonneau va conserver cette fantaisie et ce sens de l'émerveillement qu'on entend dans l'extrait de l'émission « Un dimanche avec André Gagnon » diffusé en juillet 2002. Retracer le parcours de Paul Buissonneau, c'est aussi d'une certaine manière revivre une partie de l'histoire du théâtre québécois au 20e siècle, comme en témoigne d'ailleurs cet autre extrait de l'émission « Un dimanche avec André Gagnon ». On ne fait pas les choses tout seul, c'est pas vrai. On est quand même l'outil d'un paquet de monde qui ont fait de nous ce qu'on est. Un paquet de monde aussi que tu as su rassembler autour de toi. Tantôt, tu parlais d'Yvon Deschamps. Tu aurais pu parler de Claude Léveillé aussi. Ben, Claude aussi. Qui faisait partie de la fondation du théâtre. C'est sûr. Hein? De Jean-Louis Millette. Jean-Louis Millette, qu'on est resté amis jusqu'au bout. Louise Latraverse aussi, qui a été quand même qui a fait une partie de ma vie, puis qui a amené le 4 sous pendant quelques années, qui a très bien réussi d'ailleurs. Enfin, c'est tous ces gens-là. Pierre Bernard, il y en a un paquet que finalement, c'est un bouquet de fleurs que j'ai autour de moi. Oui, parallèlement à mon travail à la ville et au théâtre de 4 sous, Radio-Canada m'a fait signe par l'entremise de Fernand Doré, qui était directeur du service des émissions pour les enfants. Bon, je me suis mis à écrire. J'ai écrit 13 textes, des textes sur un petit personnage qui s'appelait Piccolo. Le petit personnage tombé du ciel venait interviewer des personnages de contes. Qui êtes-vous, vous, Barbe Bleue? Qui es-tu, toi, Chaboté? Donc, Fernand Doré a accepté ces 13 émissions que j'ai faites durant un été. Bref, nous avons réussi à faire ces émissions et ça a marché. Fernand Doré, à la fin de la session, me dit, « Buissonneau, j'ai un projet de boîte à surprise. J'aimerais ça t'avoir. » Ah oui. Il me dit, « J'aimerais que tu fasses Monsieur Surprise. » « Ah, c'est quoi ?» Il dit, « C'est tous les jours. » Oh là, oh là, oh là, oh là. Là, je me voyais tous les jours pris dans les studios de Radio-Canada. Ma roulotte, laissez ma roulotte, mon orphelin de roulotte. Ah, j'ai dit, non, vraiment, là. Fernand me dit, « Écoute, Buissonneau, puisque tu ne peux pas faire Surprise, c'est donc Pierre Thériault qui a fait Surprise, je voudrais que tu me fasses ton Piccolo une fois par semaine. » Paul Buissonneau, à l'émission Propos et confidences en 1991. Pour nous parler du grand Paul Buissonneau, je reçois l'ex-critique de théâtre Alexandre Cadieux, qui est aujourd'hui chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa. Alexandre Cadieux, bonjour. Bonjour, Jacques. Parlons de ce personnage, Paul Buissonneau, qui fait partie, Alexandre Cadieux, de ces femmes, de ces hommes qui ont marqué leur époque. À quoi tient, dans le cas de Paul Buissonneau, à quoi tient cette empreinte durable qu'il a laissée sur la société québécoise? Bien, je proposerais trois facettes. D'abord, Paul Buissonneau, c'est un Français au Québec. Lui-même dit avoir beaucoup souffert... Il est l'archétype de ça. Oui. Au début, il dit avoir beaucoup souffert un peu du préjugé, du regard. Hein, c'est le maudit français. Mais je pense que c'est un archétype qui l'a nourri aussi par son caractère, hein, un peu emporté, un peu gueulard. Mais comme d'autres, je pense à Jean-Pierre Ronfard, c'est aussi un artiste français qui est au Québec au moment où une culture québécoise est en effervescence, les années 60, 70... Il va y participer à l'émergence de ça. Et en même temps, il va toujours aussi garder un regard un petit peu oblique, un peu européen. Donc, il y a ce côté-là très français. Ouais. Deuxième chose, pour le milieu théâtral, Buissonneau, c'est une figure paternelle, c'est une figure de maître. C'est un grand découvreur de talent qui a engagé des jeunes, qui a donné la chance à des comédiens, des comédiennes, des auteurs. Un père bienveillant. Oui, bienveillant. C'est pas facile. Oui, oui, qui aime bien, châtie bien parfois, mais qui a enseigné le mime, la pantomime à l'époque où personne faisait ça au Québec. Donc, il y a ce côté-là du maître. Et la dernière chose, on l'a vu passer dans les extraits, je pense pour au moins deux générations de Québécois, Paul Buissonneau, c'est au quotidien l'ami bienveillant qui est dans le merveilleux, qui est dans les questionnements, qui est dans l'accompagnement, c'est Piccolo. Ouais. Et ça, c'est vrai que ce sera important, surtout pour les plus jeunes, mais puis c'est un plus grand public, c'est la télévision. Tout le monde connaît ou a connu, en tout cas à l'époque, Piccolo. Un petit mot sur le personnage, parce que vous disiez, c'est l'une des caractéristiques, ce qui fait qu'on se souvient encore de lui, c'est ce personnage, l'archétype du français qu'il était, avec tout ce que ça veut dire. Gueulard, mais aussi sympathique, drôle. Et c'est peut-être de ça dont on se souvient le plus aujourd'hui quand on pense à Paul Buissonneau. Parlez-moi de ce personnage, quel genre d'homme était-il? Ben, il y a son ami et biographe, Jean-Fred Bourquin, qui a publié un volume sur Buissonneau il y a quelques années et qui a beaucoup travaillé sur ces paradoxes-là, notamment, bon, à quel point c'était un être très tendre, très sensible, mais qui, en même temps, avait un côté bourru. Ouais. Donc, ça cohabitait, ces choses-là. C'était quelqu'un de très cultivé, mais qui, en même temps, avait une sainte horreur de l'intellectualisme, craignait de, justement, avoir l'air d'être trop cultivé ou de trop utiliser les références pointues. Donc, ces choses-là étaient balancées chez lui. C'est un professeur très estimé, mais qui, en même temps, se méfiait de la pédagogie. Quand on lui disait, par exemple, « Bon, ben, vous avez laissé une empreinte, vous avez été quelqu'un d'important », il disait « Oh, ben non, voyons donc », tout ça. Donc, il y a quelque chose entre le caractère bien trempé du français puis une humilité, peut-être, oui, peut-être maladive à certains moments, mais qui, en tout cas, tenait en équilibre et créait cette espèce de personnage-là. Mais un personnage qu'on ne peut pas oublier, très coloré. On ne s'ennuyait pas quand on l'entendait parler, que ce soit sur une scène à la radio, à la télé, ça, c'est certain. Il naît à Paris en 1926. Paul Buissonneau s'installe au Québec au tout début des années 50. Parlez-nous un petit peu de ce Buissonneau d'avant le Québec et de ce qui l'amène, Alexandre Cadieux, à s'installer chez nous en 1950, pile poil. Oui, alors, il naît en 26 dans le 13e arrondissement de Paris, qui va bientôt être très touché par la crise. Son père est un vétéran de la Première Guerre mondiale, très hypothéqué. Il va le perdre très jeune. Sa mère va mourir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est orphelin à 15 ans. Et dans son Paris, ben, il assiste, par exemple, dans son quartier, les familles juives qui disparaissent. Lui, il est l'enfant de 15 ans qui doit assurer sa subsistance. Donc, il devient artisan chez un maître artisan. Donc, il va travailler en le cuir, le rembourrage. Ouais. Donc, il va chercher là tout cet amour-là de la technique, du travail bien fait, du jeu sur les matériaux. Dans une époque de rationnement, fait que là, il y a aussi le Buissonneau récupérateur, accumulateur d'objets. Tout ça va marquer plus tard son travail. Il commence à faire du théâtre et rapidement, il se joint à un groupe vocal qui, à ce moment-là, est immense dans la francophonie, les Compagnons de la chanson. Oui. Donc, on va l'embarquer. Avec Édith Piaf. Il va chanter avec Édith Piaf, les plus grands théâtres de Paris, tourner partout dans le monde francophone et même au-delà. Et c'est ce qui va l'amener à Montréal, au moins à deux reprises. Et là, l'amour fait qu'il va quitter les Compagnons pour s'installer ici et pour épouser, donc pour se marier une première fois, toute fin des années 40, début des années 50. Ouais. Et donc, il arrive ici donc, en 1950, 52, 53, par là. On lui fait signe, la ville de Montréal, en fait, lui demande de diriger, d'animer ce qu'on appelle la roulotte, ce théâtre ambulant, qui offre des spectacles pour enfants dans les parcs de Montréal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde passeront par cette roulotte avec Paul Buissonneau. On l'écoute, justement, Buissonneau, parler de la roulotte, de ce que ça a été, au micro de Louise Lenoir en 1966. Paul Buissonneau, vous êtes capitaine d'un bateau, un bateau un peu spécial qui s'appelle la roulotte. Oui. Et qu'est-ce que c'est la roulotte pour vous? Eh bien, pour moi, ça a été d'abord une école assez extraordinaire pour moi. Ça a été une aventure pour beaucoup de jeunes comédiens avec qui j'ai travaillé. C'est un peu un navire école où vraiment on apprend le métier des planches. Parce que on est seul, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Faut savoir planter des clous, coudre des costumes, faut tout faire. On est vraiment dans un petit théâtre qui circule au travers de la ville, avec ses inconvénients, ses difficultés, ses agréables soirées, puis ses soirées de pluie où il faut tout d'un coup, sous un orage torride, ranger tout le matériel. Le théâtre de quatre sous est issu de la roulotte même. Tout ce que je fais au théâtre, que ce soit à la télévision ou même à l'opéra, j'ai appris mon métier, moi, à la roulotte du service des parcs. Alors, l'histoire de la roulotte, ça fait évidemment partie de la vie, du parcours de Paul Buissonneau, mais c'est plus que ça, Alexandre Cadieux, ça fait partie de l'histoire du théâtre au Québec. Pourquoi? Quelle importance a eu la roulotte dans le développement de notre théâtre? Bien, il faut se rapporter à une époque où, entre autres, il n'y a pas d'école de théâtre. On suit des cours privés. Certains vont se former en Europe, à Paris, par exemple. On apprend sur le tas, on se professionnalise en se faisant engager dans des troupes semi-professionnelles, mais il n'y a pas d'école. Il n'y a pas encore de conservatoire, il n'y a pas encore d'école nationale. Mmh. Et là, tu as Buissonneau qui arrive ici avec une expérience de mime, de pantomime, qui se fait embarquer par Claude Robillard, qui est une grande figure de l'histoire de Montréal au 20e siècle, dans ce projet de théâtre ambulant. Et Buissonneau engage des jeunes qui n'ont pas encore fait d'école, puisqu'il n'y en a pas, ou à peu près, à peine sortis de l'adolescence, mais les Deschamps, Robert Charlebois, Jean-Louis Millette, Mireille Lachance, plus tard Marie Ekel, Robert Gravel, Yvan Ponton. Et ça devient une école, parce que c'est apprendre son métier dans des conditions. Vous avez un public qui n'est pas captif, vous avez un public d'enfants qui fait bien ce qu'il veut, vous vous battez contre le vent, contre les oiseaux. C'est une grande formation d'humilité aussi pour l'acteur, pour l'actrice. C'est la base aussi sur laquelle Buissonneau va développer une famille théâtrale, mais aussi va développer son propre théâtre. Il disait dans l'extrême, le Catsou, qui est une troupe avant d'avoir Pignon sur rue, Avenue des Pins, ce théâtre-là existe, se déplace de lieu en lieu, et ça, même sa signature comme metteur en scène, sont les bases de son propre théâtre, c'est à la roulotte que ça commence. Tout à fait. On parle de son travail de metteur en scène, son esthétique théâtrale. Vous avez un public qui est peut-être loin. Alors, ça prend des couleurs qui sont vives, ça prend des formes qui sont très découpées pour la scénographie, pour les costumes. Ça prend un jeu qui ne peut pas être dans la subtilité du visage. Alors, on va avoir un jeu très bondissant. Ouais. On va aller chercher du clown, on va aller chercher de la commedia dell'arte. Et ça, Buissonneau va garder ces techniques-là, va garder ce côté-là de la transposition un petit peu poétique dans des éléments de décor, dans des grands accessoires, même quand il va se mettre au théâtre pour adultes, par exemple. Ouais. Le Catsou, on en a déjà parlé à quelques reprises depuis le début de cette émission, c'est fondamental dans l'histoire de Paul Buissonneau, puis encore une fois dans l'histoire du théâtre montréalais, du théâtre au Québec. On l'écoute, Paul Buissonneau, se souvenir des débuts du 4 sous, celui qui a Pignon, qui va avoir Pignon sur rue, qui a toujours Pignon sur rue, Avenue des Pins à Montréal, au micro d'André Gagnon en juillet 2002. Parlons de ce 4 sous que tu as fondé, que tu as créé avec l'aide de... Avec l'aide d'Yvon Deschamps. D'ailleurs, c'est Yvon Deschamps qui m'a mis ça dans la tête, hein, pour ne pas l'oublier. Mm-hmm. Je me suis mouillé là-dedans, moi, beaucoup. Mais il m'a mis dans l'idée d'avoir notre théâtre. Parce que je louais à l'époque, je louais le théâtre, le TNM, je louais l'Orpheum, j'ai même loué la Place des Arts. Tu te rends compte, André? Oui. Alors, ça me coûtait une fortune, mais j'étais heureux. Mais Yvon a des jambes, a des côtes. Bon, d'accord, tu t'amuses, mais tu dépenses beaucoup de sous pour ça. Écoute, on pourrait avoir des moyens différents. On pourrait avoir des subventions, peut-être. Pourquoi on ne se lance pas là-dedans? Alors, c'est là que j'ai trouvé la synagogue sur l'avenue des Pins. Et finalement, le 4 sous s'est fait en 65. On a ouvert le théâtre de 4 sous avec la Florentine, qui était jouée par Louise Latraverse. Puis ça a commencé comme ça, bêtement. Et c'est devenu un des théâtres les plus influents de Montréal. C'est un tout petit théâtre, oui. Mais c'est un lieu dans lequel, à ton époque, ensuite à l'époque de Louise, à l'époque de Pierre Bernard, et probablement maintenant encore, c'est un lieu où on joue des choses différentes. Oui. Très différentes de ce qu'on peut voir ailleurs. C'est vrai. Alors, quelle place occupe la petite histoire du théâtre de Catsou, Alexandre Cadieux, dans la grande histoire du théâtre québécois? Bien... J'aimerais rappeler, parce que souvent on l'oublie, le 4 sous a 10 ans d'existence en tant que troupe avant qu'on ouvre le théâtre de l'avenue des Pins en 65. C'est la gang de la roulotte qui disait à Buissonneau, ben on aurait aussi envie de jouer pour les adultes, on aurait aussi envie de toucher un répertoire, pas juste adapter des contes pour enfants, des choses comme ça, on voudrait toucher un autre répertoire. Donc à partir de 55, le théâtre de 4 sous existe, on monte des spectacles et qui connaissent un succès critique, qui remporte beaucoup de prix au Dominion Drama Festival, qui est un des rares festivals qui existent à l'époque, qui est pan-canadien, qui est bilingue. Et là, le 4 sous connaît déjà une notoriété à ce moment-là. Ouais. Et à partir du moment où on s'installe sur l'avenue des Pins, ben, y a le charme de cet immeuble-là, minuscule, le hall, la petite scène. Il y a une chaleur là qu'on a tenté de conserver avec la nouvelle architecture, mais très rapidement, Buissonneau va accueillir dans ce théâtre-là, en plus des spectacles qu'il monte, des spectacles qui vont compter, qui vont être parmi les plus importants de la période 65-75. Il va diriger jusqu'en 84, va passer le flambeau ensuite à Louise Latraverse, Pierre Bernard, ensuite, entre autres, Wad, Éric Jean, aujourd'hui Olivier Kemed. Mais oui, c'est un théâtre qui est encore là, qui a toujours gardé un certain éclectisme dans ses choix de dramaturgie, entre autres, mais qui a, ça, je pense que ça a été conservé, beaucoup donné la chance aux jeunes créateurs. Ouais. Et puis parmi ces spectacles célèbres qui seront montés sur les planches du 4 sous, évidemment, l'Hostie Show. On s'est monté en deux jours un tour de chant à deux. Et Lindbergh était dans ça, puis j'avais travaillé une voix sur Lindbergh, etc. Et on a tellement aimé ça, faire ça, que quand Yvon est arrivé dans le portrait au mois de mai en disant « Hey, j'ai une bonne nouvelle », et on pourrait avoir le théâtre de 4 sous à la fin de saison, quand c'est plus bon, quand il n'y a plus personne qui va au théâtre, c'est-à-dire du 9 juin à Saint-Jean-Baptiste, quelque chose. Ouais. On peut avoir le théâtre. On se fait-tu un show? Je crois que l'artisan réel de l'Hostie de Show, c'est Yvon Deschamps. Parce que il n'avait plus rien à perdre. Il voulait faire quelque chose. Il sentait des choses en lui. Il n'avait jamais fait des choses tellement énormes. Il faisait des panouilles comme moi je pouvais faire. Il a dit, on va monter un truc. Ça ne s'appelait pas Hostie Show, il n'y avait rien là. C'était très embryonnaire. Et on se retrouvait tous les après-midi. Moi, je m'assoyais sur la poubelle. Peut-être un signe. Peut-être que je n'y croyais pas. Célèbre de l'Hostie Show, celui où Robert Charlebois et Louise Forestier interprètent la non moins célèbre chanson Lindbergh. Vous entendiez Paul Buissonneau et Louise Forestier, justement, à l'émission Café Rimbaud en 1989. C'est donc au 4 sous que va être monté l'Hostie Show, ce spectacle qui va devenir mythique. Qu'est-ce que ça représente? C'est plus qu'anecdotique. Qu'est-ce que ça représente, ce spectacle-là, l'Hostie Show, dans l'histoire du 4 sous et dans le parcours de Paul Buissonneau, Alexandre Cadieux? Bien, le mythe, il est là dès les origines. Déjà, sur la création de l'Hostie Show, il y a encore tout un nuage. Oui. Je ne sais pas de quoi est fait ce nuage, mais les mémoires s'embrouillent un petit peu. Chose certaine, l'Hostie Show a été accueilli. Donc, Buissonneau en est le diffuseur. Ça, c'est sûr et certain. Il l'aurait aussi baptisé. C'est lui qui aurait donné le titre. L'anecdote est célèbre. Il en aurait fait la mise en scène, mais... conflit de personnalité majeur entre Buissonneau, qui essaie de régler des choses, qui essaie de créer des petites intermèdes entre les chansons, entre les sketchs, justement, avec des accessoires, des choses très poétiques, et un Robert Charlebois qui est de l'autre côté et, dans son époque psychédélique, veut que ce soit un happening, ne veut pas justement tout régler, ne veut pas répéter, veut que la chose reste brute. Un clash de culture, Charlebois qui est obsédé par ce qui se passe aux États-Unis, il est allé en Californie, alors que Buissonneau, à ce côté, on y revient, un peu vieille France, oui, ça marche pas. Méticuleux, avec une certaine idée de la variété, avec une certaine idée de la revue. Et l'anecdote célèbre, bon là, il y a eu plusieurs versions, c'est que Charlebois, il aurait dit, ben écoute, on n'est pas à la roulotte ici. Et Buissonneau aurait répondu, ben arrangez-vous avec votre Hostie Show. Ouais. Donc c'est là que le titre vient. Selon d'autres versions, votre Hostie Show, vous pouvez là, ça implique une cavité corporelle dont on ne peut pas parler à la radio vous d'État. Vous le mettre quelque part. Voilà, vous le mettre quelque part. Ouais. Mais selon l'anecdote aussi, Buissonneau aurait programmé ça parce qu'il voulait avoir les belles sœurs. Puis il n'avait pas l'argent pour le monter. Et quelques mois plus tard, il va présenter T'es pas tannée, Jeanne d'Arc du Grand Cirque Ordinaire. Pour moi, c'est les trois grands spectacles culturels dans les arts vivants au Québec entre 68, 69, 70. Et Buissonneau touche un peu aux trois. Ouais. C'est pas un hasard, ça dit beaucoup sur le personnage, sur son flair, son importance qu'il a eue. On revient à Piccolo, on peut pas l'éviter, ça a été un personnage que tous les enfants, vous le disiez, probablement deux générations complètes de Québécois qui ont vu, qui ont aimé ce personnage de Piccolo. Ça aussi, ça nous ramène au côté clownesque, à d'où vient Buissonneau sur le plan du théâtre. Oui, et c'est le côté très doux, je pense. L'émerveillement, la possibilité de s'émerveiller de tout, le côté aussi, la curiosité. Piccolo pose des questions. Piccolo se pose les mêmes questions que les enfants. Je pense qu'il y avait tout l'émerveillement aussi de découvrir ce médium-là, qu'on s'adresse directement à nous. C'est vrai pour d'autres personnages des débuts de la télévision, mais particulièrement Piccolo, je pense qu'il était un peu l'intermédiaire entre les gens, les personnages qu'il rencontrait et les enfants, en disant « ben moi, je porte votre question, je porte votre curiosité ». Ça commence en 1955, comme on l'a vu, Fernand Doré, qui avait été important pour le théâtre et qui prend le développement de toute la télévision jeunesse à Radio-Canada, va le chercher, et ça dure jusqu'au début des années 70. Ouais. Donc, dans plusieurs formats, dans plusieurs endroits dans la grille horaire. Mais Piccolo est une référence. Et ça montre ce bouillonnement qui existe culturellement à l'époque, à Montréal, au Québec. Et au cœur de ce bouillonnement-là, il y a ce personnage incontournable, Buissonneau, qui est à Okatsu, qui est à La Roulotte, qui fait Piccolo à la télé. C'est dire l'importance qu'il a à ce moment-là. Ça nous laisse quoi, quelques années plus tard, en termes d'héritage, Alexandre Cadieux? Il y a plusieurs générations de comédiens, de comédiennes, de metteurs en scène qui se réclament de ce qu'il a fait. Un Jean Asselin, par exemple, qui dirige Omnibus, qui a tant fait pour le développement du mime et de la pantomime depuis le début des années 70, ben, a commencé chez Buissonneau. Un Denis Marlowe, qui pourtant fait un théâtre très sophistiqué, tout ça, dit que un certain sens de la rigueur, un certain sens du plaisir, tout ça lui vient de Paul Buissonneau. Et je pense qu'il figure encore dans nos imaginaires. Il y a ici à Montréal deux belles murales dans le quartier Centre-Sud qui rendent hommage l'une à La Roulotte, l'autre au Quatsou. Donc, et ce théâtre-là, il existe encore. Mm-hmm. La Roulotte existe encore. Donc, dans le paysage urbain, on a encore les traces de ces entreprises-là, de cette sensibilité-là, de cette énergie-là. Alexandre Cadieux, chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa, merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.